Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Ici Frédéric Barbouchy, votre animateur de Pas de problème. Bienvenue à la 213e émission de Pas de problème et la première où je suis absent. Mais je tenais à vous dire un gros bonjour et surtout souhaiter une bonne centième à nos broadcasts de Trois-Bières. Là-dessus, je vous laisse au bon soin de mes coéquipiers. Bon podcast! Vous avez un problème, nous avons un podcast! Bonjour et bienvenue à la balado-diffusion Pas de problème. Ici Martin Boily à la barre pour la première fois de l'histoire de Pas de problème. Hein, je pense que dans l'histoire, ça a toujours été Fred depuis le début. Et là, je l'ai détrôné. Non, c'est pas vrai, il est juste pas encore présent. Mais il s'en vient tantôt. Et je suis aujourd'hui en compagnie de Simon Rousseau. Salut Martin. Salut Simon. Étienne Théberge. Salut Martin, salut Simon. Alors salut. Salut Étienne. Et Mathieu Bouillon. Faites-moi pas mal. Bon, Mathieu, t'as pas d'écouteurs, ouais. Mais il faut pas plus que tu cries dans le micro. Moi, j'ai pas eu ça. Faites-moi pas mal. Ouais, ça, c'est génial. Hey, là, j'ai comme l'impression qu'on est un party, party adolescent, que les parents sont partis et qu'ils nous ont laissé la maison. Mais c'est la première fois que Frédéric est pas là à un podcast. C'est la première fois. Wow. Puis on est là, nous, pour ça. Oui. Incroyable. Et on vit des belles choses. Pas mal envie de faire n'importe quoi. On change le concept. Hein? Moi, oui. J'aurais quasiment envie de qu'on fasse ce podcast-là, Nugraine. On pourrait faire ça, Nugraine. Puis moi, j'ai toujours eu envie de faire un podcast qui parlerait des nouveaux jeux de société qui sont sortis sur le marché. Ben, il ne saura jamais. Si ça se trouve, il l'écoutera pas. À la limite, il l'écoutera pas, mais oui. Mais non, on va quand même s'en tenir à ce qu'on doit faire. Bon. Et Mathieu, c'est quoi Pas de problème? Pas de problème. Écoute, à la base, ce que les gens savent pas, c'était un roman. Ah oui? Et ça a mal viré? Ça a mal viré. Ben écoute, en fait, c'est Fred qui a écrit, si je ne m'abuse, 456 pages qui devait être publié aux éditions de l'Homme. Et finalement, c'est dans laquelle Fred répondait à tous les problèmes de l'humanité. Et finalement, ça a été racheté par Ribbit qui en ont fait un post 3D. Un post 3D. Donc. Et de là est né le podcast. Voilà. Fred était tellement fâché qu'il s'est dit « Je vais répondre par une balado-diffusion avec trois de mes amis taouins. » Bon, ben c'est génial. Maintenant qu'on en sait plus, ben oui. On a des gens qui nous soumettent des problèmes. Et Étienne, le oui. problème de la journée, le c'est le problème d'aujourd'hui nous vient de Rémi Vachon. Banjo Bouchon sur oh. Twitter, qui nous dit la chose suivante. Pas de problème. Mon problème, deux points. Comment faire pour qu'une série télé qu'on aime soit renouvelée pour une nouvelle saison? Hashtag série noire. C'est la question qu'il nous pose. Rémi Vachon. Ouais. Épineuse question, s'il si en est une. S'il y a oui. quelqu'un qui a bien quelque chose à gagner dans tout ça, ça serait toi, Simon. Oui, mais même pas tant. Je pense que le egg a eu son rôle à jouer dans cette histoire et ça serait la fin du egg. Ça, je sais pas là, mais je pense qu'il y en reste moins qu'il y en a eu. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, qui n'ont pas fait le lien, Simon, qui est panéliste avec nous, hein, pas de problème, a joué dans Série Noire, il faisait le... Le gars en Bédaine, souvent. Le gars qui est en Bédaine, ouais. le rôle de Régent. Régent, Reg. Reg, ouais. Voilà. Notamment une des scènes, on va se le dire, là, dans laquelle Simon sortait d'un ascenseur qui était éclairé par le haut et où Simon était mon grand ami depuis des années. J'ai découvert Simon sous un nouveau jour. J'ai trouvé que son corps était absolument sculptural dans cette scène-là. Bien, je te remercie. J'avais fait quelques push-ups la semaine d'avant. Quelques push-ups avant, hein? Ouais. Oui. Fait que oui, effectivement, Simon, si Simon, tu pourrais en bénéficier toi aussi. Oui, mais je pense que ça serait vraiment ouais. réduire. Je crois sincèrement que la télévision en général, ouais. surtout, bénéficierait du fait que la série revienne. Et aussi le gagnant du fameux concours pour avoir un rôle oui, dans la deuxième saison. L'audition web. L'audition web. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Ben, on ne sait pas encore. Y a-tu un rôle dans la série? Je ne sais pas si c'est déjà déterminé. C'était pas prévu pour la deuxième saison. Oui, c'est prévu pour la deuxième saison. C'est prévu pour la deuxième saison. Les autres, ils ont calé un concours sans savoir s'il allait avoir une deuxième saison. Absolument. C'est comme si moi, je partais un concours pour ma prochaine série télé sans savoir si j'allais avoir l'argent pour la faire. Mais là, mettons, ça serait encore... Mais tu sais, eux, il y avait quand même la plateforme d'avoir déjà une série télé pour la faire. Là. Oui. Plus proche que toi. Est-ce que ça mousse les codes d'écoute aussi, d'avoir la promo en même temps? Oui. Mais c'est tout le temps aussi, c'est que cette nouvelle donnée-là, que les gens veulent des comptes court avec du contenu web. Et là, c'est le temps tricky, comment on intègre le web là-dedans, En tout cas, peu importe, on peut... Ça, c'est un autre débat en soi, ça le dit. Ouais. Mais revenons à nos moutons. Comment faire en sorte qu'une série comme Série Noire revienne pour une deuxième saison alors que les codes d'écoute ont été aussi chauds ça? Non, en dessous des attentes. En même temps, les attentes étaient un peu élevées. Là. Radio-Can avait prévu 1 million par épisode, ce qui est un peu... Peut-être que les Invincibles, je suis même pas certain que les Invincibles au pic du pic ont déjà pogné 1 million. C'est ça. Je veux dire en cas d'écoute. Oui. Mais ce qui est très fâchant, puis ça, c'est ce qu'on a su, là, c'est que c'est une série qui était quand même développée aussi pour en sachant que l'écoute, surtout Point TV, serait importante. Tout ça, et pourtant, ça ne semble même pas avoir été comptabilisé dans le calcul des codes d'écoute. La série la plus écoutée de l'histoire de tout Point TV. C'est énorme, cette affaire-là. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il s'est comptabilisé, puis ils savent. Puis ils savent, en fait, que les cotes, si on intègre tout Point TV, sont beaucoup plus élevées. Ouais. Mais ce qui se passe, c'est que les commanditaires, eux, ils s'en calissent. Ouais. Ils payent pour les gens qui regardent la télé live au moment où ça passe. Et là, la question, c'est... Est-ce qu'on va avoir une télévision qui va devenir faite uniquement pour les gens qui regardent la télé à heure de grande écoute? À ce moment-là, qui sont ces gens et quel genre de télévision on va faire pour eux? Donc, avec quel genre de télévision on va se retrouver comme société? Donc, les hosties de ma tante, on va le dire. C'est ça la vérité. C'est un pourcentage sûrement important. Je dirais pas hostie. Mais oui. Non, mais c'est fâchant. Moi, ça vient me chercher, cette maudite question-là. c'est que, mettons, Radio-Can prenne la peine de développer des plateformes d'écoute qui sont intéressantes, justement, à tout Point TV, puis qui sont copiées sur des modèles d'affaires qui sont plus modernes, plus actuelles. Oui. Mais nous-mêmes, agences de publicité, là, c'est quoi? Nos acheteurs médias sont tellement boqués. Tu sais, Chris, qu'on se ramasse, t'écoutes tout Point TV, t'as quatre fois la même style d'annonce pourrie de meubles... Club piscine, on joue dans l'eau, là, cinq fois, là, puis Calis, ça fait que ça tue des bonnes. En tout cas, moi, ça me met hors de moi. Mais puis ce qui arrive aussi, c'est que. Ma voix était bizarre. Il y a une dichotomie entre Radio-Canada, les programmeurs, qui prennent des décisions, que moi, je pense qu'ils prennent des décisions qui sont quand même encore relativement intéressantes, vu le contexte dans lequel ils sont, et leur, d'une certaine manière, grand employeur, ou au moins. Mode de financement, qui est le gouvernement, qui est un gouvernement qui visiblement n'accorde pas beaucoup d'importance à la culture et encore moins à son porte-étendard qui est Radio-Canada. Ce qui fait que les coupures, c'est pas des farces. Et là on pourrait couper ça très, très carré. Là. La meilleure manière que cette émission-là revienne, ce serait que les conservateurs soient pas là. Mais on va quand même on va quand même se casser la tête pour trouver d'autres solutions. Mais la nouvelle saison revient avant les élections. Donc, une autre piste de solution, c'est la classique pétition. J'avoue que j'ai pas l'impression que ça a une très grande portée, mais si 7 millions de Québécois signaient la pétition... Démontrer un appui populaire, d'une manière ou d'une autre, ça a sauvé des séries. Il y a eu Tout sur moi qui était supposé être cancellé après la première saison, puis suite à un appui majeur de la population. Il reste que ça a quand même... Faire du bruit, ça a quand même de l'impact. Ouais. Et je pense que même si c'est un... On peut parler d'un faible pourcentage de la population qui regarde ça. C'est quand même du monde, on s'entend. C'est pas si marginal non plus. C'est des gens qui sont très passionnés de cette série-là. Puis c'est ça qui est formidable. C'est un succès d'estime. Il y a vraiment les fans aiment ça beaucoup. Ça peut être culte à la limite. Là. Oui, déjà, il y a une certaine... Le gay gang est vraiment en train de se créer, je pense. Marc Arcand, en tout cas. Marc Arcand passe à l'histoire, ça, il n'y a aucun doute. Ouais. Je pense qu'on le verra aussi, peut-être au gala des prix Gémeaux, quelque chose comme ça. Gala artiste, en fait. Qui... Ben, artiste, il y a eu quelques nominations, mais au Gémeaux, j'ai l'impression que Cyril va tout rafler aussi. Ça se pourrait. Puis ça, ça serait l'autre argument de Radio-Canada, c'est est-ce qu'on veut se garder une série de prestige? Ça, ça s'est vu, par exemple, le réseau ABC qui produisait l'émission 30 Rock, qui avait des codes d'écoute terribles. Pour les États-Unis, le même... Toute proportion gardée, là, c'est 5 fois pire que Série Noire. Mais comme ça avait un succès d'estime, comme les gens qui l'aimaient, et comme ça remportait des prix à l'international, ils se sont dit, on va garder cette série-là pour le prestige que ça redonne à notre poste. Ouais. Puis on gagne en bout de ligne parce que les gens ont l'impression qu'on fait de la bonne TV, ce qui est un peu le cas. Ben, c'est important, ça. Ouais. Est-ce qu'il y a des revenus qui peuvent être tirés de la vente de DVD? T'sais, mettons, là, si... On achetait massivement les DVD de la série, de la première série. Je ne sais pas si ce serait une question de revenus. C'est certain qu'au niveau d'une question de support, là, j'ai l'impression que les gens feront comme « Ah oui, le DVD est numéro un. » Il y a une question de revenus à quelque part. Mais c'est juste que le revenu est moins important dans leur poche directement qu'à télé. Mais si, comme solution possible, là, si tu convainquais tout le Québec d'acheter au moins 4 copies de la saison 1 de Série Noire, je pense ça aurait un impact financier assez surprenant. Si tu convainquais Laval d'acheter 4 copies, je pense qu'il serait en rupture de stock au bout de 4 jours. Peut-être même moins que ça. Il y a quelqu'un qui s'est gros sur son graveur. Mais oui, ça pourrait changer la donne. Forcément, la production derrière ça pourrait faire « Hey, wow, là! » J'ai de l'argent. Une autre piste de solution, ça serait de convaincre un autre réseau de faire la saison 2. Si Radio-Canada décide de ne pas le faire. Y a-tu une entente? Je ne connais pas trop ça. Simon, non, peut-être mais plus. C'est une déjà arrivé qu'il y a des séries soient reprises sur d'autres postes. Ouais. Comme, c'est vrai. Catherine avait fait ça. Elle était passée de TVA à TQS. Catherine, oui, c'est vrai. Oui, Catherine. Ouais. De Radio-Can à TQS. Encore, ça dépend des conditions. Là. Puis aussi, il faut comprendre que ces auteurs-là, à quel point ils ont le goût de faire leur série dans n'importe quelle condition, bonne et malin. C'est pas tant n'importe quelle condition que... Oui, mais ça dépend à quel point. Ouais, si c'est pour la faire à Évasion à Historia. Oui, ma série Plus, c'est qui développe toujours une série par année, mais que personne ne voit. Là. Cette année encore, paraît-il, comment ça s'appelait? C'était Mensonge. Ouais, c'est pas sorti encore. Ah oui, non, ça c'est sur vidéo, le Club Illico, c'est sûr. C'est pas sorti encore. C'est fou la nomination... pour à venir, je pense. Oui. Ouais. Mais il y a une bataille. C'est en nomination pour la meilleure série à venir, c'est ça? La meilleure série, pas sortie encore. C'est très, très bon. Succès critique à venir, paraît-il. Mais sinon, il y aurait peut-être de financer son projet sur un site web. Financer la deuxième saison sur un Kickstarter. Ah oui, ben oui. Puis ensuite, la diffuser sur le web gratuitement pour avoir ça. Comme ça, les die-hard fans pourraient payer puis avoir... avoir justement soit un rôle dans la série ou un poster autographié. Mais le problème... aller souper avec Marc Arcan dans un restaurant de fondue à Saint-Léonard. Ou tourner des bars avec Marc Arcan. Le problème, c'est-tu tant le financement ou la diffusion? Le problème, c'est que les deux sont liés, en fait. Le problème, c'est... On te finance si t'es diffusé. On te finance, mais c'est même pas... C'est t'es diffusé point, si c'est tu rapportes diffusé, l'argent. C'est sûr, c'est ça. Est-ce que tu rapportes de l'argent? Est-ce que tes codes d'écoute sont suffisamment regardés? L'autre problème aussi, c'est comment on calcule les codes d'écoute. Ça serait une des bonnes manières. On calcule les codes d'écoute, même si t'écoutais Série Noire, par exemple, 14 fois par semaine, diffusion, rediffusion, nanana, ça change rien. C'est les gens qui ont les petites machines BPM chez eux. Les 1000 personnes. C'est vrai, ça? Oui, absolument. Ouais. Fait qu'une des bonnes manières, ce serait de trouver qui a du BPM et convaincre les gens qui ont ces petites machines-là de regarder Série Noire. D'essayer de leur vendre la série. Parce que visiblement, les gens qui ont ces machines-là n'ont pas été ceux qui ont été les plus, je dirais... touché, intéressé par cette série-là. À l'aube de la fibre optique, maintenant, tu es capable de capter qui utilise ce signal-là. Mais c'est encore comme ça qu'on procède. Mais ils regardent encore. Mais d'abord, c'est peut-être pas représentatif. Là. On le voit à chaque élection, les sondages BPM. Oui, c'est pas certain que c'est très représentatif. Puis c'est un des points, d'ailleurs. C'est le système qui a été choisi par le monde publicitaire pour calculer les gens, les auditeurs. C'est terrible. Il y a combien tout le temps coûte une annonce. Fait que c'est de dire... En fonction d'un show. Peut-être que les gens qui ont les BPM sont pas notre clientèle cible pour ce type de d'émission-là. De deux, on calcule pas tout point TV. Tu sais, fait qu'il y a beaucoup d'affaires qui fait que... C'est terrible. qui fait que la série a peut-être pas la bonne représentation qu'elle aurait. Là. On le sait là, que je pense que Vidéotron, là, même quand toutes les télés sont fermées, il y a 500 000 personnes qui les écoutent. Là. Y a, TVA. Les, ouais. gens, les gens s'endorment avec TVA ouvert. Fait que, c'est une autre affaire. Là. Moi, je pense que des machines BPM, genre, pour vrai, dans des commerces ou dans des hôpitaux qui laissent des télés ouvertes sur des postes. J'ai juste cette impression-là aussi. Puis encore là, ça peut être des télés. Si c'est des télés communes, mais là, peut-être qu'on va faire des fois des choix qui font plus l'unanimité. Mm. Et le but, justement, c'est d'avoir une télé qui fait pas l'unanimité. Je pense que c'était le pari de Saint-Noise, une série qui était, disons, je vais pas dire plus pointue, mais justement, qui va pas nécessairement toucher d'emblée à tout le monde. Mm. Mais qui va être originale, différente. Ouais, ben je pense pas que quand t'écris une série, tu dois pas te dire je vais pas essayer de plaire un peu à tout le monde. Mais je regarde Cyrano, je sais, ça tire partout. Là. Je pense que tout le monde peut à quelque part y trouver son compte. Oui, mais le thème au départ suivent deux gars qui écrivent de la TV. Les premiers épisodes, moi, que je trouvais très très bons, mais je peux comprendre que tu sais pas où ça va aller nécessairement. Fait qu'il est comme. T'es juste de plus rébarbatif, peut-être, un peu. Mm. Ou t'sais, si tu piges même pas... Ça tourne-tu? Oui. Si tu piges même pas l'ironie t'sais, de la série La Loi de la Justice, il y en a là, qui ont peut-être rien vu drôle là-dedans. Oui, de drôle ou de... Oui, absolument, d'avoir l'impression que ça avait l'air d'être une série très, très full correcte. Bonne, puis comme... Peut-être qu'une autre piste de solution, ça pourrait être que... On s'arrange pour que ce soit la seule nouvelle d'une journée. Par exemple, les gens, on sort plus dehors pendant une journée, puis qu'il n'y a rien dans les nouvelles d'autres pour que les gens soient obligés de parler de ça. Ah ouais? S'il n'y a pas d'accident, il n'y a rien qui se passe. Faudrait que tout le monde se parle pour se dire « on fait rien aujourd'hui ». Mais ça, c'est l'affaire qui est la plus dure à faire, là, avoir un consensus. Là. Ça fait longtemps là, que si... Le monde arrêtait de manger du McDonald's pendant 3 jours, on vivrait dans une autre société. Là. C'est l'affaire qu'on n'est pas capable de faire, de collectivement tout faire affaire. Là. Ouais. Mais pour Série Noire, ça vaut la peine, je pense, de s'entendre collectivement. Oui. Du Népal au Nicaragua. Ouais. Oui. Sinon, peut-être que passer le personnage de Marc Arcan à la réalité, ça pourrait être une autre façon de faire en sorte que la série revienne. Oui. Qui viennent focailler. Oui, qui viennent focailler à Radio-Can. C'est malade. Mais oui, mais c'est une question de support. C'est une question de si les gens vraiment se manifestent de toute manière possible pour que le show revienne, ça pourra absolument pas nuire, en tout cas. Là. Mais sinon, Benjo Bouchon, je le connais pas assez bien, mais est-ce qu'il est millionnaire? Non, il est prof de philo. Ah, merde. Mmh. C'est un peu l'inverse. C'est un peu l'inverse. Parce qu'il aurait pu jouer de ses contacts, donner des petits pots de vin à gauche et à droite et assurer un push rigoureux à la série. Mmh. Puis... Mais on parle de sauver Série Noire, puis moi, à la limite, si Série Noire ne vient pas, je vais trouver ça triste, principalement comme amateur de l'émission. Arrête ça, Simon! Tu veux que Réjean revienne? Mais ce que j'ai peur, en fait, c'est quelles leçons vont retirer Radio-Canada si jamais l'émission ne vient pas. Exactement. Et quel genre de télévision on va avoir par la suite, parce que de plus en plus, moi, je me désintéresse complètement de ce qui est produit ici. Ça devient servicieux. On est en train de perdre un outil important, je pense, culturel. Là. Il y a eu beaucoup de chroniqueurs et de critiques qui avaient ce point-là. Là, ouais. Comme Chris, là, qu'est-ce qu'on veut là, à la TV? Là, C'est plate. Fait que, Moi, j'avais l'idée de Série Noire de Musical, un show qui pourrait être un show bénéfice, qui serait une adaptation musicale de la première saison. Oui, d'ailleurs tu es capable de reproduire le thème assez bien. Assez bien. À la bouche, à la bouche. La dernière note est plus dure un peu. Elle est plus dure. La vieille. J'aimais beaucoup la musique dans la série d'ailleurs. Je trouvais que c'était un élément. Oui. Ouais, de Cristobal quelque chose. Huet. Cristobal Huet, qui a de moult talent. Ouais. Gauler toute une série en musique. Oui. Sinon, d'autres solutions là, qui pourraient être des solutions drastiques. Un sit-in à Radio-Canada? On s'assoit dans l'entrée, puis on empêche la diffusion de... C'est quoi le show d'André Robitaille dans l'entrée? Entrée principale. Ouais, entrée principale. Ouais. Mais à la limite, ça va les arranger. Là. Je pense qu'ils veulent que Radio-Canada soit de moins en moins utilisable. Ça va devenir un gros parking, des terres. Des, on est en train de perdre ce poste-là tranquillement, pas vite. Là. Ouais. Mathieu, je peux pas croire que tu n'aurais pas une solution sexuelle. Oui, ben j'avais une solution sexuelle. C'est, tu sais, le compétiteur direct de Série Noire a été Les Jeunes Loups. Oui. Donc, c'est peut-être de lancer des carcasses de loups profanées, genre aux grands décideurs de notre télévision publique. Ouais, ça aurait été le fun si on avait pu faire ça, le saboter l'autre émission qui font concurrence, mais là, mais même, il est comme trop tard. Mais on aurait eu beau saboter, ça aurait pas pu être plus mauvais que ce que c'était. Je pense que ça a déjà été saboté, en fait. C'est super. C'est intéressant de voir qu'une série, là, qu'on a l'impression qu'elle aurait été un peu datée en 2005, a eu autant de succès. C'est déplorable, c'est déplorable. Ouais. Il a même eu du succès en cours, je pense. Il n'y a pas eu un procès entre Jean-Tremblay et sa fille. Et sa fille. Ouais. C'est pas hideux. C'est... Oh, man. Aïe, aïe, aïe, quel conflit. C'est déprimant. Les États-Unis, c'est ça. On parle souvent d'à quel point leur télévision est stimulante et bonne. Puis à quel point aussi, tu sais, comme mettons des succès comme House of Cards qui naissent. Oui. Mais ils ont le système, par exemple, autant de Netflix ou de HBO qui est quand même de la télévision payante. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est on a difficilement le marché pour avoir ça. Là. Même si Super Écran là, avait une bonne recrudescence, là, ça serait. Peut-être qu'il y aurait le guts de passer des séries plus. Subversif, je sais pas quoi dire, mais en tout cas, on n'a pas le marché pour. Fait qu'on est obligé de dépendre de la télévision d'État. Complètement. Et le problème, c'est qu'on la sous-finance. Ouais. Je pense qu'en ce moment, ça coûte quelque chose comme 34$ par année, par personne, alors que dans beaucoup de pays d'Europe, c'est 75, 79, 80$. Puis d'où l'importance, si elle est publique, c'est qu'elle ait un mandat à remplir aussi, un mandat donc de recherche et d'innovation, de ne pas crisser la même marde que les télés publiques, en tout cas. Ouais. Excusez. Donc, moi, je vais instaurer de quoi de nouveau aujourd'hui. Oui. Alors, au lieu de faire vos solutions préférées, on va faire un blitz de solutions. Donc, je vous pointe et vous êtes obligé. Je vous nomme, en fait. Et vous êtes obligé de me nommer une solution Soulfly rapidement. Oui. La première qui vous vient à l'esprit. Vous êtes prêtes, messieurs? Peut-être que si ça marche, on va toujours le garder. OK. Mathieu. Ça peut être une solution qui a été dite ou pas? C'est nouveau, c'est une nouvelle solution. OK. Ne plus faire d'autres séries, jamais. Juste celle-là. Simon. Bad plug, hottest fucking hot sauce sur Stephen Harper jusqu'à temps qu'il se décide à refinancer la culture un peu plus. Étienne. On met Manon Massé sur le cas. Elle va s'organiser avec ça. Bon. Ben merci beaucoup, messieurs. On va se contenter de ça pour J'allais dire Netflix, tu sais, y donner une saveur québécoise à ça, peut-être aller parler au big boss de Netflix puis tu sais, comme... Ah, mais ça, c'est ça qu'on se fasse sauver par Netflix. Netflix.qc.ca, Netflix Québec, peut-être. Ah oui, lancer une nouvelle plateforme. Ça serait super. Bon, donc, pour ceux qui seraient des fanatiques de plugs, on va faire les plugs qu'on a besoin de faire. Là, je sais pas trop, c'est lesquels qu'il faut faire d'habitude. Comment on finit ça? La lime doit achever. Citronlime.com, regardez si c'est terminé ou pas. Sinon, quoi? Moi, je vais être au bureau toute la semaine. Au bureau toute la semaine. Si vous voulez venir me visiter, je vais être là. Si vous voulez vous procurer un chandail, pas de problème, rendez-vous sur Mr. Dress Up. N'oubliez pas d'aller visiter Balado Québec pour voter pour nous 5 étoiles ou rien. Et sinon, si jamais vous avez envie de nous faire un don, aussi petit l'être, rendez-vous encore sur le site de l'Instable et cliquez sur l'onglet PayPal. Pour nous donner du cash. Tout à fait. Vous pourriez ainsi financer une deuxième saison de Pas de problème. Ouais. Oui. Alors, merci Simon. Merci. Merci Mathieu. Merci Étienne. Merci. Merci. Le mot de la fin, Simon. Vous avez un problème. Nous avons un podcast. Yeah!